Alors, de retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89,1. Alors, c'était notre thème de physique qui est un petit peu plus élevé que les autres. Alors, l'annonce faite avant la pause au sujet des conférences sur l'eau au Musée de la Civilisation permet de passer à notre prochain sujet. Alors, on va maintenant s'intéresser à l'eau, non pas du point de vue légal. On va plutôt comprendre d'où, en fait, toute cette eau sur Terre, d'où elle vient. Alors, la présence de l'eau sur Terre est un prérequis à l'apparition et au maintien de la vie. Alors, sa présence nous semble évidente, mais d'où vient toute cette eau? Alors, c'est notre chroniqueuse Mélanie Jean qui va nous l'expliquer. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Et oui, en fait, je me suis penchée sur ce sujet-là parce que c'était vraiment très intéressant parce que on sait que parmi toutes les planètes qui sont connues jusqu'à maintenant, la nôtre est vraiment unique parce que c'est la seule à avoir de l'eau à l'état liquide, contrairement aux autres planètes qui en possèdent pas du tout ou parfois des fois à l'état gazeux ou solide, mais pas comme ici. Et l'eau couvre 70% du globe, donc c'est très important et c'est présent dans notre vie. On s'en sort pas, en fait. En fait, on est fait à 90% d'eau. C'est ça. En premier, nous, on est concernés. Puis, comme tu l'as dit, la vie n'est pas possible sans eau. Mm-hmm. Et il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre s'est formée et constituait alors une masse qui était plutôt inhospitalière. Et grâce à l'eau, la Terre est passée d'un astre hostile à la planète bleue qu'on connaît aujourd'hui. Mais on peut se demander, c'est quoi la provenance de toute cette eau sur Terre? Ouais. Parce que... Mais tout d'abord... C'est toute une énigme. Oui, vraiment, parce que la réponse à cette question est loin d'être simple et définitive. On sait beaucoup de choses sur l'eau, comme on le disait en introduction, mais on ne sait pas vraiment d'où elle provient réellement. Et comprendre l'origine de l'eau, c'est l'une des grandes énigmes de la science aujourd'hui. Et c'est une tâche colossale, parce qu'il faut remonter à plus de 4 milliards d'années au moment même de la création du système solaire. Alors, on remonte très loin et c'est loin d'être simple. Parce qu'on n'était pas là, en fait, on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. On peut juste extrapoler. Oui, c'est ça. Aujourd'hui encore, les scientifiques sont vraiment pas unanimes quant à l'origine de la présence de l'eau sur Terre. Et cette question fondamentale est à l'origine de l'élaboration de plusieurs hypothèses quant à son origine. Il y a 4,6 milliards d'années, notre Soleil était une étoile qui venait de naître, était entourée d'un immense disque de gaz et de poussière. Et pendant des millions d'années, ce nuage-là a fini par se condenser pour former les planètes. Mm-hmm. Et pendant des années, on a pensé que la Terre s'était constituée sans eau. Sauf que cette hypothèse s'est avérée fausse. Parce qu'il y a environ 4,4 milliards d'années, il y avait bel et bien de l'eau sur Terre. Mais savoir d'où elle provient, ça, c'est tout un défi. On doit donc envisager qu'elle était présente dans les éléments avec lesquels la planète s'est formée. Les principales théories pour expliquer l'origine de l'eau sur Terre, il y en a plusieurs, mais les plus importantes et celles qu'on croit les plus plausibles sont tout d'abord l'eau qui pourrait provenir des comètes et aussi la théorie qu'on appelle des mini-planètes qui est à l'origine du système solaire. Je vais donc vous présenter ces deux théories-là. La théorie des comètes s'est imposée d'elle-même parce que ces objets-là contiennent déjà de l'eau. Cette fois-là, c'est à l'état solide. Oui, c'est ça. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait des possibilités pour qu'elles soient à l'origine de notre eau. Mais dès qu'on a compris que les comètes contenaient une énorme quantité de glace, il est apparu raisonnable de penser qu'en frappant la Terre, et c'est arrivé très souvent lors de sa formation, elles auraient apporté de la glace qui aurait fini par fondre puis qui aurait donné naissance à nos océans. Parce que pendant environ 600 millions d'années, notre jeune Terre a été bombardée par des centaines de millions de comètes qui contenaient de la glace. Fait que là, on s'est dit que ça pouvait être une piste à suivre. Lorsque la glace qu'elle contient, d'ailleurs, est restée inchangée depuis la formation du système solaire, la glace des comètes, c'est une glace, une eau, en fait, qu'on pourrait dire qui est extrêmement ancienne. Donc, si c'est les comètes qui ont fourni à la Terre toute son eau, plus ancienne que notre Terre. Donc là, c'est déjà particulier. Mais cependant, les études ont révélé que les comètes à elles seules, ce n'est pas suffisant pour fournir toute l'eau que contient notre planète. Alors, Mélanie, si l'eau de la Terre ne provient pas, en fait, des comètes, quelle en serait la source? Il y a une autre théorie qui détiendrait peut-être la réponse la plus plausible. Le problème, c'est de trouver une correspondance entre l'eau qui est sur Terre et celle qui était présente il y a des milliards d'années dans notre système solaire. Parce que si c'est, on retrouve les mêmes caractéristiques, on va savoir que son origine est la même. Et il doit manifestement y avoir quelque part dans l'espace le même type d'eau que sur Terre, ça c'est sûr. Mm-hmm. Quand on parle de type d'eau, est-ce qu'on parle à ce moment-là du point de vue de l'eau lourde, de la proportion de l'eau lourde par rapport à l'eau normale? Oui, c'est en fait, on va se pencher sur les molécules d'hydrogène. Okay. La proportion d'hydrogène lourd doit être la même que ce qu'on retrouve dans notre eau. D'accord. Pour essayer de faire la similitude, pour trouver la bonne origine, en fait. Parce que trois types d'hydrogène, tu as l'hydrogène lourd, tu as l'hydrogène super lourd. C'est ça, c'est le lourd, je pense. Le lourd, c'est ça qu'il faut se pencher dessus. Exactement. Alors que les comètes sont faites de glace et de poussière et qui proviennent des régions froides du système solaire, des scientifiques se sont penchés sur les astéroïdes, eux, qui viennent d'un autre endroit de l'espace. Ils se sont demandé si ça ne pouvait pas être de là que notre eau origine. Uh-huh. Et tournant autour du Soleil, entre Mars et Jupiter, se trouvent des millions de blocs de roches qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Et il y en a des millions et ils sont vraiment énormes. Il y en a certains qui peuvent faire plus de 300 km de large et peser là, des millions de tonnes. Uh-huh. Et c'est en fait des résidus de la formation du système solaire et des planètes. C'est la okay, théorie donc, en vigueur. C'est pas rien des blocs de glace. Là. Non, il y a toutes sortes de choses, de métaux. Dont de l'eau. Oui. Dont de la glace, en fait. Des blocs de roche, en fait, qui peuvent renfermer de l'eau à l'état solide. Et il y a une centaine d'années, ben, on pensait que cette ceinture d'astéroïdes-là était, en fait, les résidus fragmentés d'une planète qui aurait formé cette ceinture-là à la force de la gravitation de tourner autour du Soleil, et puis que ces blocs-là étaient totalement secs. Donc, on pensait pas qu'il pouvait avoir de l'eau à cet endroit-là. Et, mais l'examen d'une météorite au microscope a révélé un tout autre tableau. En les étudiant, on s'est rendu compte que certains contenaient un pourcentage d'eau. Mais comment, en fait, l'eau de la ceinture d'astéroïdes s'est alors retrouvée sur la Terre? Mais pour trouver la réponse, il a fallu remettre en question la formation complète du système solaire. Mm-hmm. Autrefois, les chercheurs focalisaient leurs recherches sur les quatre planètes solides les plus proches du Soleil. Ils étudiaient comment la matière s'était condensée en des corps plus gros pour former Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont les quatre plus proches du Soleil. Ah, exactement. Et pour répondre à la question, il fallait étudier la formation des huit planètes du système solaire dans leur ensemble, plutôt. De Mercure, qui est la plus proche, à Neptune, qui se trouve à être 80 fois plus éloignée du Soleil. Mm-hmm. On oublie Pluton qui n'est plus considéré une planète. Exactement, non. Mmh. Ce qui est important, c'est que le système solaire constitue un tout. On ne peut pas en étudier juste une partie en négligeant les autres. Parce que toutes les planètes sont liées par une seule et même force, la gravitation. Et en se développant, les planètes s'attirent les unes les autres par la force de la gravité. Puis environ un million d'années après la création du Soleil, le disque de gaz et de poussière du système solaire, qui est alors primitif, se condense en une quinzaine de petites mini-planètes. Et plusieurs roches provenant de ce disque de gaz et de poussière, ben, ils contenaient déjà de l'eau à ce moment-là. À l'étape suivante, ces mini-planètes commencent à se percuter pour former des planètes un petit peu plus grosses. Parmi les mini-planètes qui se trouvent près du Soleil, ben là, il fait trop chaud pour qu'elles contiennent de l'eau. Mais plus on s'éloigne, plus la température va baisser, évidemment. Donc là, à 370 millions de kilomètres du Soleil, là, il fait assez froid pour que les mini-planètes qui se forment à cet endroit-là aient des roches qui contiennent de l'eau. Donc, la Terre va naître dans la région chaude près du Soleil, ça n'a pas changé, et se compose des matériaux qui proviennent donc de cette région-là où normalement, ben, il ne devrait pas avoir d'eau parce qu'il fait trop chaud. Les mini-planètes qui tournent autour du Soleil ont d'ailleurs une trajectoire qui est pratiquement parallèle. Et c'est là que ça devient intéressant. La Terre... Quand tu dis parallèle, ça veut dire dans le même plan? C'est exactement, c'est ça. Ça. Ils sont pas... leurs orbites ne se croiseront pas. OK, c'est ça. Et là, la Terre, qui est formée de quelques mini-planètes qui sont sèches à l'origine, vu sa proximité du Soleil, donc là, on se retrouve avec une Terre primitive qui serait sèche. Mais heureusement pour nous, ce n'est pas resté comme ça, parce qu'on le voit aujourd'hui, la vie existe et l'eau est là. C'est ça. Ça, au moins, on en est sûr. Oui. En considérant le système solaire comme un tout, là, le scénario change. Parce qu'il y a un nouvel acteur qui entre en jeu, et c'est Jupiter. Et c'est la plus grande de nos planètes. Tout à fait, la plus volumineuse, oui. Probablement la plus dense aussi. Qu'on surnomme la géante gazeuse, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dans l'histoire de la formation du système solaire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Jupiter, ça a été la première planète qui a atteint sa taille définitive. Et pour vous renseigner, elle est environ 300 fois plus massive que la Terre. C'est énorme. Oui. Et rapidement, cette masse énorme gazeuse, qui s'est d'ailleurs formée autour d'un noyau de glace, il semblerait, elle va vraiment faire sentir son influence. Ce que je veux dire alors, c'est qu'elle va exercer une attraction considérable qui va venir perturber les orbites de ses voisines, parce que là, jusque-là, c'était plutôt parallèle, comme on l'a dit. Et là, ces mini-planètes-là, particulièrement celles qui sont plus éloignées du Soleil, donc là, on peut dire qu'ils sont plus proches de Jupiter, donc qui subissent une plus grande influence. Mais là, ils se mettent à adopter des trajectoires vraiment plus irrégulières, et puis on finit par se rencontrer. Et ça change tout. La Terre est créée à partir de plusieurs mini-planètes. Certaines sont sèches, et d'autres contenaient de l'eau, parce qu'ils provenaient de la région plus loin du Soleil, et parce que Jupiter est venu comme chambouler tout l'équilibre qui s'était créé jusqu'à maintenant. Cette théorie est aujourd'hui celle qui domine pour la formation du système solaire. Ben, pour le moment, c'est la meilleure réponse qu'on aurait. Mais on pense que l'eau sur Terre pourrait provenir de plusieurs autres sources, pas seulement une unique. Oui, comme les comètes, c'est pas une théorie qui est écartée. On s'est dit que c'était peut-être une partie de la réponse, parce que parce que quand on recherche de l'eau, on sait quel type d'eau contiennent les comètes, et on retrouve un peu ce même type-là sur Terre, donc on sait qu'il y a une partie qui provient des comètes, mais ce n'est pas la seule source. Donc la théorie des mini-planètes vient un peu répondre à une question, mais pour en avoir la preuve, là, il faudrait trouver des roches qui proviennent des entrailles de la Terre qui contiennent de l'eau qui est primordiale. Et cette découverte signifierait alors que notre eau possède plusieurs origines. Alors, se demander comment la Terre a acquis son eau, c'est se demander ce qui rend une planète propice au développement à la vie. Donc là, on ouvre la porte à l'exploration spatiale. Pourtant, quand on comprend mieux comment la vie s'est installée, on peut peut-être mieux réussir à la trouver ailleurs dans l'espace. Donc, enquêter sur l'origine de l'eau sur Terre, ça ouvre des nouvelles possibilités, comme celle de trouver, à des millions d'années-lumière peut-être, d'autres formes de vie. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à visiter mon blog, maplanetebleu.net. Vous retrouverez beaucoup de détails. D'ailleurs, il y a une autre explication qui met en jeu la Lune, qui était beaucoup trop complexe et longue que je ne pouvais pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus. Oui, mais d'ailleurs, ça pourrait même faire l'objet d'une chronique tellement le sujet est vaste. Ah bon? Donc, ça va probablement être une de mes prochaines chroniques. Donc, si ça vous intéresse, dès lundi, vous pourrez aller sur maplanetebleu.net. Vous aurez un très long dossier à ce sujet. Donc, pour conclure, on pourrait dire que l'eau présente sur Mars et sur la Terre aurait la même origine et des phénomènes semblables ont pu se produire ailleurs dans l'univers. Alors, merci beaucoup, Mélanie. Ça m'a fait plaisir. Alors, nous avons le temps amplement de faire une longue pause musicale, après quoi nous allons vous revenir avec Aurélie Lévy qui va nous parler de l'actualité scientifique à l'Université Laval.